rembourser cette somme bientôt, malgré le problème qu'il a rencontré au cours de cette année. Donc vous tranquillisez cette population? Oui, chaque fois que nous tenons des réunions, que ce soit hebdomadaire ou au niveau des collines, nous leur tranquillisons, leur disant que la somme va être payée bientôt, et surtout que quelquefois nous téléphonons et il assure qu'il va régulariser bientôt. Gérard Nitereka, le patron de l'usine de Rwanda, n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet, mais lui aussi promet que cette question sera prochainement vidée. Merci Évariste. Les activités des différents services à l'antenne de la mutuelle en Ngozi ont été perturbées pendant plus de 3 heures ce jeudi. À l'origine, la fermeture de l'entrée principale par la commune Ngozi suite aux arriérés de paiement d'impôts locatifs estimés à plus d'1,5 million de francs burundais. Reportage d'Apollinaire Muzagara. Ce bloc de la mutuelle Ngozi à 3 niveaux abrite bon nombre de services à part la direction régionale de la mutuelle, le bureau régional de l'Ombudsman et différents cabinets privés d'avocats et autres sont aussi locataires de cette tunnel ce jeudi matin. Personne n'a eu accès à l'intérieur de la parcelle. La commune Ngozi avait mis ses propres cadenas au portail. Même les patients qui venaient s'approvisionner en médicaments ne savaient plus à quel sein se trouve. L'administrateur de cette commune, Songambele Djabu, dit avoir réagi ainsi à cause des arriérés d'impôts locatifs et fonciers estimés à plus d'1,5 million que la mutuelle doit à la commune Ngozi et plusieurs lettres de recouvrement jusqu'à celle de mise en demeure ont été écrites sans aucune réaction, déplore l'administrateur de la commune Ngozi. Après plus de 3 heures de fermeture, le portail de la mutuelle a été ouvert après une conversation téléphonique de cette autorité communale et le directeur administratif et financier de la mutuelle. Ce dernier a promis de monter en Ngozi ce lundi pour en discuter. Le personnel des deux parties parle d'interprétations différentes de la loi comme source principale de cette situation. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Le fait que les communes, quelle que soit celle de l'intérieur du pays ou de la municipalité de Bujumbura, ne jugent pas de leur autonomie de gestion, c'est parce que les décisions sont prises sans considérer les intérêts des citoyens. C'est l'explication de Gabriel Rouftiri, représentant de l'OLICOM. Il critique ce qui a été dit par le maire de la ville de Bujumbura, à savoir que cette loi de décentralisation des communes ne peut pas être mise en vigueur parce que la mairie de Bujumbura a des dettes énormes. Gabriel Rouftiri. J'ai entendu le message officiel du maire de la ville qui dit que cette loi ne peut pas être en vigueur parce que la mairie de Bujumbura a une dette énorme, mais je pense que ça c'est une façon de dire. Parce que pour nous, la mairie de Bujumbura, c'est une entité administrative décentralisée qui a des compétences, mais la loi a spécifié comment la mairie devrait être gérée. Donc, s'il y avait réellement cette volonté, nous pensons que la dette est bien d'autres patrimoines de la mairie ou, comme vous le savez, toute société ou toute entité administrative a l'actif et le passif. Pour nous, nous pensons que la mairie de Bujumbura, s'il y avait réellement cette volonté, et le gouvernement bien évidemment, ils allaient fractionner cette dette et demander aux communes de payer un pourcentage, ou soit demander au gouvernement de payer à l'arrière-place de la mairie. Voilà, en tout cas, si le gouvernement était animé de bonne foi, il devait trouver une solution. Parce qu'il est anormal de voir qu'une loi soit votée et qui est amornée. Ce n'est pas normal parce que ça bloque le développement à la base, en fait. Parce que le développement à la base commence au niveau des communes. Mais ce qui n'est pas le cas pour le moment, parce que cette loi n'est pas en train d'être mise en application. Mais cela est consécutif à cette situation de prendre des décisions d'une façon précipitée, sans se soucier de l'avenir de nos enfants. En fait, c'est la génération future qui est en train d'être hypothéquée. Gabriel Rouftiri, président de l'OLICOM. Sachez que le maire de la ville a fait savoir ce mercredi qu'il y a une commission qui est en train d'être mise en place pour étudier les questions de décentralisation des communes. Et l'Agence burundaise pour l'emploi des jeunes, qui aide les jeunes diplômés à acquérir de l'expérience professionnelle sur le marché du travail à travers des stages de premier emploi, a déjà encadré plus de 1000 jeunes. 60% d'entre eux ont eu des emplois. L'adjoint de l'administrateur général de cette agence dit cela à l'occasion de la journée internationale des stagiaires ce jeudi. Gustave Nyonguru dit que certains services n'octroient pas facilement des stages à ces jeunes diplômés, ce qui est un défi pour eux. Suivez Gustave Nyonguru au téléphone de Dorine Ndayirorere. Agence burundaise pour l'emploi des jeunes a parmi ses missions principales aider les jeunes diplômés à acquérir de l'expérience professionnelle sur le marché du travail via un stage communément appelé stage de premier emploi. Le stage de premier emploi est un stage qui s'effectue sur tout le territoire national du Burundi. L'Agence burundaise pour l'emploi des jeunes, elle est à sa cinquième année au service de la jeunesse et elle a déjà encadré 1176 jeunes diplômés où 60% d'entre eux a déjà décroché un emploi. Y a-t-il des contraintes auxquelles vous faites face lors de la recherche et de ces stages? Souvent, on a un problème lié au service d'accueil. Certains services d'accueil ne donnent pas accord à ces candidats de les encadrer. Et aussi, on peut dire que le budget du gouvernement est un peu insuffisant. Si c'est possible, il pourrait avoir à la hausse le budget alloué à l'Agence burundaise pour l'emploi des jeunes. Voilà, c'était Gustave Niyonkuru, adjoint de l'administrateur général de cette Agence burundaise pour l'emploi des jeunes. Dans la suite de ce journal, 75 personnes qui sont en majorité des hommes ayant l'âge compris entre 18 et 30 ans ont passé la nuit de ce mercredi au bureau du gouverneur de la province de Karoussi. Ils ont été appréhendés dans la province de Gitega à bord de 5 véhicules de type IAS lorsqu'ils allaient vers Makamba et en Tanzanie où ils disent qu'ils allaient chercher du travail. Ils sont en train d'être écoutés par la police judiciaire de Karoussi. Et un homme a été grièvement blessé à la machette et plus de 40 vaches capturées par des cultivateurs dont les champs ont été endommagés par ces mêmes vaches. C'était samedi à Gianga, en province Bubanza. Les mésententes entre cultivateurs et éleveurs dans cette localité battent leur plein au cours de cette saison culturelle. Les éleveurs disent qu'ils n'ont plus de pâturage et les autorités provinciales leur recommandent de vendre toutes les vaches de race encollées afin d'élever les vaches de race améliorées. Spes Caritas Cavagnana pour les détails. Un berger parmi les quatre qui gardaient les vaches à la 6e transversale de Gianga ce samedi a été grièvement blessé à la machette par un cultivateur dont le champ de maïs a été endommagé par des troupeaux de vaches. C'était à la 6e transversale à Gianga. Samedi de la semaine passée, les cultivateurs qui ont vu leur champ endommagé ont vite capturé plus de 40 vaches qui étaient sur place, ainsi que le berger blessé, tandis que les autres bergers ont pris le large. Les éleveurs, propriétaires de ces vaches, sont phares après arrivés sur les lieux et ont pu payer les frais exigés par les cultivateurs afin de récupérer leurs vaches. Pour le moment où la saison culturelle bat son plein, les conflits entre les cultivateurs et les éleveurs sont très nombreux. Les éleveurs se lamentent qu'ils n'ont plus de terrain de pâturage après qu'ils aient été expulsés de la réserve naturelle de la Rukoko. Ils n'ont même pas de passage pour amener les troupeaux jusqu'aux abreuvoirs, selon les éleveurs contactés à Muyangé, en commune Bouanza. Face à ces mésententes entre les éleveurs et les cultivateurs, les autorités provinciales conseillent les éleveurs à écouler sur les marchés toutes les vaches de race encollées pour élever à l'intérieur de l'étable une, deux ou trois vaches de race améliorée. Assel Nitunga, conseiller principal du gouverneur, dit que les éleveurs qui le veulent pourront approcher les responsables à la DPAE Bouanza pour d'autres orientations. Caritas Kabanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal avec certains conducteurs de taxi vélo en mairie de Bujumbura qui se lamentent contre le comportement de certains policiers qui les maltraitent et les empêchent d'accomplir leur métier. Selon Emmanuel Nimbona, représentant la solidarité des taxis vélos du Burundi, Sotavebo en sigle, tout conducteur de taxi vélo porteur d'un gilet doit exercer son activité partout, sauf au centre-ville de Bujumbura. Yves Nzimana. Certains conducteurs de taxis vélos se lamentent contre le comportement de certains policiers qui les malmènent et les empêchent d'exercer leur activité. Ils expliquent qu'ils ont acheté des gilets à un prix équivalent entre 13 000 francs et 15 000 francs bout, mais que ces derniers ne leur servent de rien. Ils indiquent que ceux qui sont attrapés sont obligés de donner une rançon de 10 000 francs, sinon son vélo sera confisqué, comme celui-ci le précise. Nous avons acheté des gilets qu'ils nous ont demandés. Tous les conducteurs de vélo ont tous ces gilets, mais si tu quittes Ruvumera vers la zone Buyenzi, les policiers t'arrêtent et saisissent le vélo sans aucune explication. Dans ce cas, le vélo sera confisqué à la zone Buyenzi. Nous sommes considérés comme des bas peuples et nos droits sont bafoués. Selon le président de l'association des taxis vélo au Burundi, Sotavebo Ansigre, tout conducteur de taxi vélo doit porter un gilet comme le précise la l'article 436 du Code de la circulation routière. Emmanuel Nimbona précise à cet effet que tout conducteur de taxi véro est autorisé à exercer son métier, mais en dehors des limites fixées par la mairie, c'est-à-dire en dehors du centre-ville. Les conducteurs des taxis véro sont autorisés à opérer leur activité partout, sauf au centre-ville de Bujumbura. Nous avons tenu beaucoup de réunions sur cela. S'agissant de traverser les ponts menant vers la ville, ce sont des décisions prises par les autorités administratives sous prétexte que les conducteurs des taxis véro puissent être des perturbateurs de la sécurité. Quant à l'argent demandé par les policiers à ces derniers, Emmanuel Nimbona indique qu'il ne pourrait pas l'affirmer. Il demande aux autorités administratives et policières de la mairie de travailler en étroite collaboration avec la Sotavebu afin que ces derniers puissent accomplir leur métier. Yves Ngonzimana et à ce sujet, le porte-parole adjoint de la police burundaise, Moïse Ngurunziza, recommande aux conducteurs de taxi vélo malmenés de saisir le chef de poste le plus proche afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Et l'association des motards taximen du Burundi, à Motabu en sigle, n'est pas autorisée à exercer dans la province de Rumonge, même si la justice le lui autorise. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, a ordonné la fermeture de son bureau à Rumonge ce mercredi pour des raisons de sécurité, a-t-il expliqué. Jean-Pierre Misako. Il s'agit de Diomède Niyonsaba, conseiller socio-culturel du gouverneur de Rumonge, qui a été mandaté pour fermer le bureau que la Motabu avait ouvert dans le quartier Kanyengoko de la ville de Rumonge depuis ce lundi. Cet administratif est parti avec le registre et d'autres papiers dont ceux des juridictions rendues. Artemon Ndayegamiye, représentant légal de la Motabu, dit que le gouverneur de Rumonge n'a pas les prérogatives de fermer ce bureau ouvert sur une ordonnance de l'exécution numéro 69/2015/RC18771 du tribunal de grande instance en mairie de Bujumbura du 16 septembre 2015 et qui est reconnu par le cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique selon ses correspondances du 12 juillet et du 22 août 2016. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, quant à lui, dit qu'il n'a jamais reconnu cette association pour exercer en province de Rumonge, car sa demande de reconnaissance est intervenue après celle de l'Imotadec opérant dans le même secteur et les membres des deux associations se sont rentrés dedans avec des blessés à trois reprises. Par ailleurs, la Motabu s'est arrogé le droit de faire payer 2000 francs burundais par moto et par jour, alors qu'elle n'était pas reconnue dans cette province. Selon le gouverneur de Rumonge, aucun de ces documents brandis par la Motabu ne lui ordonne l'ordre de reconnaître la Motabu dans cette province. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. On termine ce journal par un crochet sur Muyinga, où le test de recrutement des candidats sous-officiers et officiers à la police a eu lieu ce jeudi. Aucun candidat de l'ethnie Twa ne s'est fait inscrire pour cette catégorie exigeant un certain niveau d'études. Dieudonné Nzeiman. Pour la catégorie des sous-officiers ou brigadiers, seuls les mathématiques et le français ont fait l'objet d'un test d'admission à la police du Burundi. Pour les candidats officiers, c'est la connaissance générale. Les candidats ont déjà un niveau de licence ou ingénierat, d'après les surveillants croisés à l'hôtel Ichizanye de Muyinga, centre de passation pour la province Muyinga, ce jeudi. Aucun candidat de l'ethnie Twa pour les deux niveaux. Le recrutement se fait en transparence, mais le niveau d'études exigé constitue un critère d'exclusion d'après les batois croisés à Chiba ou dans un village de Batwa, aucun n'a un niveau de formation dixième. La participation au test tourne aussi autour de 14% pour les jeunes filles désireuses d'entrer dans le cadre des sous-officiers à la police. Sur 183 candidats, seulement 26 sont des femmes. Et pour les candidats officiers, aucune fille. On a 14 garçons, dont un seul aussi. Quelques inscrits ont raté le test à cause des irrégularités dans les dossiers. C'est le cas de Thérèse Niyonsaba, avec un certificat de fin du collège sous forme manuscrite délivré au collège Kiang de la commune de Winyuza d'après cette fille qui a raté son test. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga Radio, Isanganiro.